That get lonely. Is this just where you thought you'd be? By this time, by this time. So a seed begins to grow, and you open out. They told you that they understood, but you knew they didn't understand. Bad day history. Let the wounds you pick up be gone. And be honest, oh, be honest. If you need the company in the days that get lonely, is this just where you thought you'd be? By this time, by this time. Hello and welcome, bonjour à vous les aventuriers et aventurières musicales et bienvenue à bord de la Croisière Folk. Je m'appelle Eric Cooper, je suis votre capitaine musical pour cette expédition passionnante au travers des vastes océans de la musique folk. Notre boussole est réglée sur la diversité allant des ballades classiques aux expérimentations contemporaines. Alors j'ai un conseil à vous donner, asseyez-vous confortablement, détendez-vous. Et préparez-vous à découvrir chaque recoin, chaque vague et chaque nuance du monde du folk. Embarquement immédiat pour un voyage musical unique sur votre radio. C'est la Croisière Folk que vous écoutez. Et nous avons démarré cette programmation avec quelqu'un qui chante justement dans un bateau, Dave Bodison, Make a Bad Day History. Il est sur cette chaîne YouTube qui s'appelle The Narrowboat Session. Il s'agit de musiciens qui vont enregistrer un petit morceau sur un bateau à fond plat qui se déplace dans les canaux en Angleterre. Et ensuite, eh bien, ils diffusent ça sur leur chaîne Narrowboat Session. Alors, qui est Dave Bodison ? Eh bien, il a découvert la musique alors qu'il étudiait les arts du spectacle au Dudley College. Par la suite, il a formé un groupe qui a évolué en une carrière solo. Dans ce cadre, il a assuré les premières parties de Scott Matthews et joué au Mosley Folk Festival. Alors, cette chanson « Make a Bad Day History » traite de la quête du bonheur après une période difficile. N'hésitez pas à liker sa page Facebook Dave Bodison Music. Et on va poursuivre avec Alison Brown et Steve Martin, qui n'est pas seulement qu'un acteur comique, c'est aussi une sommité dans le monde du bluegrass et du banjo. Il va nous interpréter Bluegrass Radio. Les grands hurleurs avec Transat de légende. La Transat de légende, eh bien, c'est comme un hymne à l'histoire, comme un pont entre les deux continents. Cette chanson prend le large sur un air rassemblant toutes les cultures, toutes les provenances, toutes les différences. Un métissage québécois, breton et autochtone marquant l'ouverture, l'esprit d'équipage et le bon vent qui mène à bon port. Voilà qui est un morceau idéal pour cette croisière folk. Et puis aussi Amanda Cook, Ready for a Blue Your Sky. J'espère que vous allez bien. C'est la croisière folk que vous écoutez. Et croyez-moi, vous avez bien raison d'être là à nous écouter. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue à bord. Welcome aboard, ladies and gentlemen. So curious about the new songs I've been writing. Since I'm number one on bluegrass radio, you knew I was a writer, but you couldn't name a title that I wrote before I broke on bluegrass radio. Number three in California, five in Arizona, didn't seem to mean a thing to you. But I went number one in Texas, and now you fix me breakfast, because I am a hit on bluegrass radio. 50,000 watts of power, and they play me every hour. Paul McCartney, you can stand aside, but the bluegrass charts have picked me now. I headline hardly strictly, you can't escape my song on bluegrass radio. Number three in California, five in Arizona, didn't seem to mean a thing to you. But I got number one in Texas, and now you fix me breakfast, because I am a hit on bluegrass radio. Am I the guy that they all love to hate? They seem to be so choosy just because I can't read music, but who cares? He's number one on bluegrass radio. Oh baby, you're so curious about the new songs I've been writing. Now I'm number one on bluegrass radio. Could this one be another monster hit just like the other? Another number one on bluegrass radio. Number three in California, five in Arizona, they're just truck stops on the way to number one. Now that I'm a winner, I have Chick-fil-A for dinner. Don't you walk away, Renee, I'm number one on bluegrass today. Yesterday I couldn't function, now I'm played on Bluegrass Junction. Let me straighten my toupee, I'm playing at IBMA. Since I'm number one on bluegrass radio, you can't escape my song on bluegrass radio. Thank you. tient debout, la mer qui gronde. Face à l'océan, moi qui rêve du monde. Quand je regarde la mer au loin, à l'horizon c'est mon sang, ma loin. Je dois y s'éborder, empanner mes espoirs de fou. La transat légendaire est de Québec vers Saint-Malo. L'histoire du nouveau monde, elle s'est écrite en bateau. La peur au ventre, la brume étouffe. Je cherche la lumière de l'étoile polaire. Je dois barrer, boffer, embrasser mes espoirs de fou. La transat légendaire est de Québec vers Saint-Malo. L'histoire du nouveau monde, elle s'est écrite en bateau. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Quoi, y'a où est-il, en quoi, en oui. Wanda Kendari, Wanda Tendi, mon nom est. Où quand on t'as au Henshi. Moi, que tu l'appelles Yoskea, que tu l'appelles Jéhovah, Allah, c'est pas important pour moi, ok? C'est qu'il y a un créateur, il y a toujours des dieux, des déesses. Dans toutes les civilisations, il y a toujours eu des entités dans le ciel pour nous aider les humains. Et le créateur, nous, on l'appelle Yoskea. Je suis perdu en liberté. La musique que j'aime, elle vient de La Croisière Folk. The best music. Out on l'instant, dans la croisière folk, Amanda Cook avec Ready for a Bluer Sky. Et tout de suite, voici 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nobody. 1, 2, 3, c'est la séquence qui est née avec cette émission il y a bientôt 5 ans et qui se propose de vous faire découvrir en 3 chansons un album. Aujourd'hui, c'est l'album de Bronwyn Keith Hines, A Build a World. Alors, elle est depuis longtemps reconnue comme une instrumentiste prolifique, ayant remporté à 2 reprises le prix de la Fiddle Player of the Year de l'IBMA, donc International Bluegrass Music Award, ainsi qu'un Grammy pour son travail avec Molly Tuttle et Golden Highway. Mais sur son nouvel album, I Build a World, la native de Charlottesville dévoile un nouveau talent impressionnant. Elle chante. C'est le premier album sur lequel je chante, dit-elle en tant que chanteuse principale. J'ai toujours pensé que je chanterais un jour. Et en 2020, j'ai enfin eu le temps et l'espace pour trouver ma voix, explique-t-elle. Même si la pandémie a mis un terme aux tournées et à bien d'autres choses, les cours de chant lui ont permis de rester concentrée. C'est drôle, plaisante-t-elle. À propos du moment choisi, vous me mettez un masque et soudain j'ai envie de chanter. I Built a World. C'est son premier album vocal, mais Bronwyn est musicienne depuis toujours. Apparemment, j'ai vu 2 filles jouer du violon dans la rue quand j'avais 3 ans. C'est ce qu'elle raconte en riant. Je les ai même montré du doigt en disant « je vais faire ça ». Cet album traite de la rêverie, de la construction de monde dans l'esprit. Il est certain que j'étais un enfant qui faisait beaucoup cela. Mais en tant qu'adulte, j'avais l'impression que la musique pouvait encore m'amener dans cet endroit. C'est ce qu'elle raconte encore. Elle espère que les auditeurs pourront emporter un peu de cette rêverie avec elle. Chaque chanson de cet album est son propre petit monde, sa propre histoire, un espace et un endroit dans votre esprit où vous pouvez voyager et explorer. Peu importe ce que vous voulez et ce que vous avez besoin, vous pouvez vous rendre dans cet endroit. J'espère que vous apprécierez le voyage. I Built a World. Bronwyn Keith Hines, c'est l'artiste et c'est l'album qu'on va écouter avec 3 morceaux en duo avec Sam Bush et Molly Tuttle, Can't Live Without Love. En duo avec Molly Tuttle, seul Up for Losing Sleep et Britt Taylor, un autre duo. Et c'est des réponses, answers, bienvenue, c'est la croisière folk que vous écoutez. J'espère que vous allez apprécier cet album. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, la la la la la. Without sleep, I can't live without love. On a de la poésie dans cette émission, vous le savez, et cette année-ci, on célèbre le 125e anniversaire de la naissance du poète belge Maurice Carême. Et je vous propose « La flûte au verger ». C'est un poème de Maurice Carême qui a été publié la première fois dans le recueil intitulé « La lanterne magique » paru en 1947. Ce recueil rassemble des poèmes destinés à un jeune public avec des thèmes abordant la nature, les animaux et les scènes de la vie quotidienne, souvent avec une touche de magie et de rêve propre au style de Maurice Carême. Le poème, donc « La flûte au verger », évoque la beauté éphémère de la nature et de la musique, ainsi que la mélancolie qui accompagne la fin de moments enchanteurs. Vous allez apprécier. Le poème d'ailleurs est lu par Maurice Carême. Ensuite, il y aura Molly Tuttle, More Like a River, Danny Burns et Tim O'Brien, Magnolia Wind et Al Stewart, Song on the Radio. Si vous venez de nous rejoindre, sachez que c'est la Croisière Folk que vous écoutez. Et la Croisière Folk, c'est pour vous faire découvrir toutes les facettes de la musique folk. La flûte au verger. Tu n'auras rien fait dans ta vie qui vaille d'être retenu. Ainsi passe sur un talus l'ombre criarde d'une pie. Tu n'auras chanté que pour toi dans le silence d'un verger, doux joueur de flûte et berger de tes petits moutons de joie. Tu auras savouré tes pommes en remerciant le Seigneur, mais tu oubliais les faucheurs coupant le pain de tous les hommes. Comme tu l'as toujours été, te revoilà seul dans le soir, avec un reste de clarté sur tes mains mouillées de brouillard. Et tu te tresses gauchement avec des liserons d'automne, comme autrefois une couronne pour consoler ton cœur d'enfant. Of the vine, well that's just fine, but we got love that won't run dry. It rolls along and goes forever. Our love, babe, is more like a river, more like a river, wild and blue. Roll away, roll away, carrying my love straight to you. Diamond, just a four-leaf clover waiting for you to find it. It's a valentine, a golden ring, a stroll in the park on the first day of spring. But here in your arms, it's a whole lot bigger. We got love more like a river, more like a river, wild and blue. Takes you with it. All you gotta do is jump on in it. So while you're away on your midnight ramble, singing on the west coast, it's hard to handle the months, the miles, the mountains between. Our love springs up just like a bubbling stream. So step on in, feel your whole body shiver. We got love more like a river, like a river, wild and blue. Roll away, roll away, carrying my love straight to you. Roll, roll, more like a river, wild and blue. Roll away, roll away, carrying my love straight to you. Roll. La Croisière Folk. Good vibration. rather sleep in a box. Like a bum on the street, then a fine feathered bed, without your little cold feet. I'd rather be deaf, dumb and stone blind, than to know that your morning be mine. I'd rather die young than live without you. I'd rather go hungry, oh, than eat lonesome stew. Well, it's once in a lifetime, pack up your fiddle, sis, pack up your bone. You can't dance with you, then I won't dance at all. I'll just sit this one out with my back to away. You're on my mind like a song on the road. alone in the dark with a drink, with a candle flame burning before you, and your thoughts closed in. You were staring out into the distance, not seeming to hear what I said. Why did you put up such resistance, like all the lights were red? 'Cause you and me, baby, I saw you there. Straight away I knew there's really no hiding. I tell you right now what we're gonna do. We'll go collecting the days, putting the moments away. You're on my mind like a song on the radio. You're on my mind like a song on the radio. Bienvenue dans la Minute Astuce, votre cocktail d'ingéniosité pour pimenter votre vie. Dans chaque chronique, on vous livre les secrets malins pour simplifier votre quotidien et rendre chaque journée un peu plus douce. Que ce soit en cuisine, en bricolage, en santé ou même en beauté, la Minute Astuce vous offre les clés pour dompter tous les défis du quotidien. Alors, accrochez-vous pour une minute ou deux et découvrez comment devenir le roi ou la reine de la vie pratique avec nos astuces éclairs. Prêt pour un coup de génie? C'est parti pour une minute ou deux d'astuces qui révolutionneront votre quotidien. Et dans la minute astuce aujourd'hui, eh bien on va parler de conservation. Comment conserver les pommes ? Sachez que les pommes garderont tout leur croquant et leur goût, même au bout de plusieurs mois, si elles sont entreposées dans du sable. Dans une boîte en carton, il suffit de verser une couche de sable, d'y placer les pommes, puis de les recouvrir à nouveau de sable et de remettre une couche de pommes, et ainsi de suite. Le sable permettra de les conserver en toute quiétude, à l'abri de l'air. Et alors sachez que si vous avez envie de les conserver dans une corbeille à fruits, et pour empêcher que les poires et les pommes ne s'abîment trop vite dans la corbeille à fruits, eh bien sachez qu'il faut placer les poires à la verticale, les tiges en l'air, tandis que les pommes doivent être placées à l'envers, autrement dit la tige en dessous. Voilà, comme ça vous savez tout. Tout de suite, Luarna Lubre, Aminia Amiga Langres, Memoria de los Carballos et Hugo Frey avec La Fille du Nord. La Croisière Folk. It's a kind of magic. Thank you. las cosas claras nunca tuvieron tan escuras escarbones felices del mío ya y descubro el poder misterioso del yumeque que resplande las cosas claras nunca tuvieron tan escuras las cosas claras nunca tuvieron tan escuras de verdad que ya aún escalé como la estrella pero la memoria del yumeque viene de mi patria Si tu passes là-bas vers le nord, où les vents soufflent sur la frontière, n'oublie pas de donner le bonjour. À la fille qui fut mon amour. Si tu croises les troupeaux de rennes, vers la rivière à l'été finissant, assure-toi qu'un bon châle protège du froid et du vent. A-t-elle encore ses blonds cheveux si longs? Qui dansait jusqu'au creux de ses reins? A-t-elle encore ses blonds cheveux si longs? C'est ainsi que je l'aimais bien. Je me demande si elle m'a oublié. Moi j'ai prié pour elle nuit et jour. Dans la lumière des nuits de l'été. Et dans le froid du petit jour. Tu passes là-bas vers le nord. Où les vents soufflent sur la frontière. On n'oublie pas de donner le bonjour. À la fille qui fut mon amour. Hey you! Ça y est, c'est fini. Et voilà, c'est ici que l'émission se termine. La mère de la musique folk est vaste et infinie, tout comme notre amour pour cette musique. Je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour un autre périple folk inoubliable. N'oubliez pas non plus que si vous souhaitez nous rejoindre, eh bien vous avez la page Facebook. J'ai oublié de vous préciser que la vidéo, vous pouvez la regarder, cette vidéo de la première chanson qu'on a diffusée donc dans cette émission de Dave Buddison, Make a Bad Day History, eh bien elle est postée sur notre page Facebook qui s'appelle La Croisière Folk. Et si vous avez envie de nous envoyer un petit mot, lacroisièrefolk@yahoo.com. On se quitte avec Emballage Cadeau et Mannequin Peace, cet extrait de l'album Van de Noord, No de Midi. Le groupe est bruxellois, il mêle le chanson française, rock, folk et des influences diverses. Et il reflète cet album la diversité et la créativité de la scène musicale bruxelloise. Mannequin Peace est avec cette chanson que l'on clôture cette émission. Merci de nous avoir suivis, comme d'habitude bien sûr. Que la force soit avec vous et avec tous les autres. Et rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye. I'll be back. Oui, moi ça me va. Si vous, ça vous va, moi ça me va. C'est vous l'expert quand même. Hein. J'ai bon caractère, mais j'ai le glaive vengeur et le bras séculier. L'aigle va fondre sur la vieille buse. C'est chouette comme métaphore, non? C'est pas une métaphore, c'est une périphrase. Oh, fais pas chier. Ça, c'est une métaphore. In heel de wereld test geweten dat a pist bij de toerist. Heel de dag moet hem amuseren, dat is het werk van manneke pis. Mosoeves als aan stad goed sloepen, den goede malle zes schoon bezien. Den eit hem goesting feit te ropen, man stad dat is een geldmachine. En zadig in de pot van zijn pisse stoon, een piste zal op mode moon. Speculant bestuur van stad, hallo in gevaar om kat. Waar dat roesen en dat u chagraat. bis an der Biss, Hüa an Saal, waren Trusse der Natürschakal, bis an der Biss, Hüa an Saal. Als hem s'nachts sluipt rond het woelen, gerokt hem nog de kwaad. In zijn uge stonner troenen, Brussel Mabel verleien taart. Want ge buit nog iedere dag, en daar dat pikt in zijn boek. Zijn staat uit groot geld verpacht. Dat is den chagrijnig goed. En zag je een pot van zijn bisse stoon. Het is de zalm onder de moon. Speculant, een stuur van stad.